بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فcette nuit la nuit du 2 de Jumada al-Ula de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entamons la 6e assise de notre série de cours intitulée le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Sachez que la voix des gens de la sunna et du groupe le sunna wal jama'a c'est une voie juste entre le laxisme et l'exagération. Au moment même où les gens de ce manhaj, les partisans de cette voie, combattent les règles des gens du laxisme et du tamyi', comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, eh bien, ils éclaircissent en même temps le danger de ceux qui exagèrent dans cela, ceux qui ramènent des règles qui tendent vers un autre extrême, vers l'exagération. Comme nous le verrons dans les cours prochains concernant des règles des gens de l'exagération, Al-Haddadiyya et autres que eux. Et dans cela, nous voyons une règle qui est utilisée par ces gens-là. Man la yubaddi'u al-mubtadi' fa huwa mubtadi'. Une traduction approximative. Celui qui ne juge pas comme étant innovateur, celui qui est innovateur est lui-même innovateur. Celui qui ne juge pas comme étant innovateur, l'innovateur est lui-même un innovateur. Cette règle est une règle qui n'est pas sans condition. Elle demande d'être conditionnée et d'être éclaircie. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas toute personne qui tombe dans une innovation qui devient par cela innovateur. Comme le rappelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans une parole dans le sens approximatif où il dit « Beaucoup de savants ayant atteint le rang de mujtahid, celui qui est apte à faire l'effort d'interprétation, parmi les anciens comme ceux qui sont venus après eux, ont dit et ont fait ce qui était bid'ah. » innovation. Et ces derniers n'ont pas su que cette chose était une innovation. Peut-être à cause de traditions de hadith faibles qu'ils ont pensé être authentiques, peut-être à cause de versets qu'ils n'ont pas compris comme ils auraient dû, peut-être à cause d'un avis qu'ils auront vu, peut-être que concernant ce sujet, il y a des textes qui ne leur sont pas parvenus. Et si une personne craint son Seigneur comme il le peut, il rentre dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans surat al-Baqara où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Et dans le hadith, qui est un hadith authentique, Allah tabaraka wa ta'ala dit « J'ai certes fait, c'est-à-dire je n'ai certes pas châtié celui qui oublie ou qui commet une erreur. » Puis c'est pour l'islam de dire que l'explication en détail de cela se trouve à une autre occasion. Le Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, fut questionné concernant celui qui tombe dans l'innovation. Devient-il lui-même innovateur? Il dit celui qui tombe dans l'innovation, dans une innovation, si cette innovation est une innovation qui est claire et connue, comme la parole de Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire de dire que le Qur'an est créé, ou le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou comme celui qui égorge pour autre qu'Allah, ou autre chose parmi ces sujets qui sont des sujets qui sont clairs, il dit celui-là, yubadda, c'est-à-dire qu'il est jugé comme étant un innovateur. Par contre, si l'innovation fait partie des sujets cachés, minutieux, et que cette personne est tombée dans cette erreur, tout en recherchant la vérité, ceci est une erreur de sa part, mais on ne devra pas le juger comme étant un innovateur en premier lieu. Plutôt, il faudra le conseiller, lui éclaircir son erreur. Après cela, si il ne revient pas et il continue sur cela, à ce moment-là, il sera jugé d'innovateur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit aussi, s'il est connu d'un savant de mérite qui combat les innovations, qui appelle à la sunna, qui est connu pour sa véracité ainsi que sa sincérité, qui est connue aussi pour sa mise en garde contre les innovations, et que ce dernier tombe dans une innovation, ceci pour une cause parmi d'autres, celui-ci, lorsqu'il tombe dans une innovation qui sera minutieuse, qui sera cachée, qui ne sera pas quelque chose de clair, à ce moment-là, nous ne nous empressons pas à le juger comme étant un innovateur. Et ceci est la parole véridique et authentique. Sinon, nous aurions jugé de tous ceux qui sont tombés dans une innovation que ce dernier est un innovateur, et aucun parmi les imams de l'islam aurait été exempt de ce jugement, et à plus forte raison autre que eux, ceux qui ne sont pas des imams. Ceci est la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Nous voyons aussi que les savants font la différence entre celui qui appelle à son innovation et celui qui est simplement un suiveur. Ici, nous voyons aussi, concernant cette règle, le jugement de celui, ici c'est concernant celui qui tombe dans une innovation, qui est une base dans, par rapport à cette règle. Ici nous voyons un autre point concernant cette règle, le jugement donc de celui qui ne rend pas innovateur l'innovateur. Nous dirons que cette règle est comme autre que elle parmi les règles, elle n'est pas générale, elle n'est pas sans condition. Comme l'a évoqué Cheikh Rabi' Hafidahullah précédemment dans ce que j'ai évoqué et comme je vais l'évoquer ici dans le cours d'aujourd'hui un peu plus tard. Nous dirons aussi que l'Allama Rabi' Ibn Hadi a dit, lorsqu'il fut questionné sur cette règle, « Man la yubaddi'u al-mubtadi'a, fahu al-mubtadi'a », c'est-à-dire celui qui ne juge pas qu'une personne étant innovateur est innovateur, devient lui-même innovateur. Il fut questionné concernant cette règle. Il dit, le fait d'appliquer cette règle de manière absolue, ceci n'est pas véridique. Car il se peut que cette personne, qui n'aura pas jugé cet innovateur comme étant innovateur, il se peut que cette personne ne le connaisse pas pour son innovation. Pourquoi donc vas-tu le rendre innovateur? On parle de celui qui n'aura pas rendu l'innovateur innovateur. Cheikh Rabi a dit, peut-être qu'il ne le connaît pas comme étant un innovateur, peut-être qu'il ne le connaît pas de par son innovation. Pourquoi donc tu vas le rendre innovateur? En revanche, s'il sait que cette personne est un innovateur, ou s'il connaît cet innovateur, s'il l'aime, s'il s'allie à lui, celui-ci est certes un innovateur. Et Cheikh de dire, ceci est la parole décisive dans cette affaire. Il sait que un tel est un innovateur, mais malgré cela, il le secourt et il combat les gens de la Sunna qui, ou entre parenthèses, les gens de la Sunna qui ont jugé que cette personne est un innovateur, je ferme les parenthèses, il dit donc qu'il combat les gens de la Sunna, celui-ci est un innovateur sans aucun doute. Ici, nous arrêterons là. Concernant cette règle, je reprendrai ici sur une parole de Cheikh l'Allama Rabi' Ibn Hadi, dans sa réfutation à Dr. Ibrahim Ar-Ruhayli, comme je l'évoquais dans le cours précédent. Une parole de Cheikh qui est en relation avec notre affaire d'aujourd'hui, en particulier cette dernière parole que je viens d'évoquer de lui. Bien sûr, ici, je reprendrai simplement la parole de Ibrahim Ar-Ruhayli où il dit, donc la parole d'Ibrahim Ar-Ruhayli ici, les savants de la Sunna, qui sont connus pour leur bonne croyance, leur effort dans le secours de la Sunna, ces derniers, il convient de préserver leur place et de reconnaître leur rang. Et il est interdit de les rabaisser ou de les juger comme étant des innovateurs. Comme cela, il est interdit de leur imputer d'avoir suivi les passions ou d'être tombé dans du fanatisme, ceci à cause d'une erreur dans leur effort d'interprétation. Et Cheikh Rabi a de dire donc, de réfuter cette parole en disant, ceci est une chose qui est connue sur les gens de la Sunna. En effet, ceux qui sont connus pour leur bonne croyance et pour leur effort dans le secours de la Sunna, il se peut qu'ils tombent dans une erreur, dans les choses minutieuses et cachées. Ces derniers, nous devrons préserver leur place et reconnaître leur rang. Et on ne devra pas les amoindrir en les insultant. Et il dit, celui qui les insulte, celui-ci sera un suiveur des passions, comme ceci est le cas des gens des passions. Néanmoins, si cette erreur est dans les choses, dans les sujets qui sont clairs et connus, comme le fait que cette personne qui prétend la sunna défendra les gens de l'innovation et de l'égarement, parmi ceux qui tiennent des paroles, comme Cheikh a expliqué ici, beaucoup, il a expliqué, donc il a évoqué ici des paroles qui sont des paroles des gens de l'innovation, et bien cette personne, comme le dit Cheikh, il n'aura pas cette place évoquée précédemment. Ici, Cheikh Rabia, lorsqu'il tient ce discours, ici les paroles qu'il a évoquées, ou les erreurs qu'il a évoquées en disant, à part une personne qui, ou cette personne qui prétend la sunna, lorsqu'il défend les gens de l'innovation et qu'il tombe dans telle et telle et telle erreur, et Cheikh Rabia ici évoqua les erreurs dans lesquelles sont tombés Ali al-Halabi et ses partisans, et ceci car Ibrahim al-Ruhayli, par cette parole, cherche à défendre justement cette personne Ali al-Halabi. Et Cheikh Rabia, dans d'autres endroits dans sa réfutation et à d'autres moments, il parle du fait de bien connaître qui est cette personne, et que cette personne qui est évoquée comme étant un savant, digne de l'effort d'interprétation, et que c'est celui-ci qui devra voir sa place être préservée, et son rang être estimé, et donc celui-ci, lorsqu'il tombe dans une erreur, eh bien nous devrons préserver son rang et sa place. À l'inverse de ces gens, il parle bien sûr ici de Ali al-Halabi, que Ibrahim al-Ruhayli a voulu utiliser ces règles, qui sont des règles connues chez les gens de la sunna, mais il a voulu les utiliser pour défendre des gens de l'innovation qui n'ont pas cette place évoquée ici, qui sont des savants, qui défendent la sunna, qui ont un rang, qui ont atteint un rang de l'effort, de pouvoir faire l'effort d'interprétation et autres. Ceci est très important à souligner. Ici, je terminerai avec la parole de Cheikh Rabi' Hafidhahullah concernant le fait de conditionner le tabdi', c'est-à-dire le fait de juger d'une personne qu'il est innovateur, de conditionner cela par le fait de lui avoir montré les preuves, de lui avoir exposé les preuves. Ceci est une fatwa, une réponse de Cheikh à une question qui lui fut posée. Vous trouverez cette réponse sur son site, le site de Cheikh Rabia, comme cela dans Al-Majmou' de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala wa matta'a bihi. Ceci en réponse à une règle que certaines personnes répète, vous verrez certains d'entre eux qui ont écrit même des épîtres concernant cela, le fait qu'il est obligatoire, avant de juger d'une personne qu'il est innovateur, mubtadi', il est obligatoire de s'être assis avec lui, de l'avoir conseillé, de lui avoir exposé les preuves que ce dans quoi il est tombé est une innovation. Ici, écoutez, je vais traduire le résumé de la fatwa de Cheikh, puisque je n'évoquerai pas tout, puisque j'ai déjà évoqué ici dans le cours une partie de ce qu'il a évoqué, comme certaines paroles de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Premièrement, la question qui fut posée à Cheikh, dans le sens, est la suivante. Il y a ici une question qui tourne entre les étudiants en sciences, qui est la suivante. Est-il une condition, afin de juger d'innovateur celui qui est tombé dans une innovation, ou dans des innovations, est-il une condition de lui exposer la preuve? Bien sûr, la preuve que ces choses dans lesquelles il est tombé sont des innovations, et lui montrer les preuves de cela, afin de pouvoir le rendre innovateur, ou ceci n'est pas une condition. Essayer de dire, je vais ici résumer, donc certains passages je ne vais pas les rappeler, puisque je les ai rappelés précédemment, et je vais résumer sa réponse. Il dit, ceci est très important et nous servira pour les règles que nous évoquerons à partir de la semaine prochaine concernant Al-Haddadiyya et autres. Il dit, ce qui est connu des gens de la Sunna est que celui qui tombe dans une chose qui implique le fait de le rendre mécréant, ce dernier ne devra pas être jugé comme étant mécréant jusqu'à ce qu'on lui expose l'épreuve. Cheikh commence par cela. Et ceci nous servira, cette parole est très importante. Nous avons déjà traité ce sujet dans des cours précédents, comme dans la série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna, leur position face au takfir, le fait de juger mécréant une personne. Nous reviendrons à cela concernant Al-Haddadiyya et autres. Puis il dit, en revanche, en ce qui concerne celui qui tombe dans une innovation, celui-ci est de plusieurs sortes. Par rapport à cette parole, celui-ci est de plusieurs sortes, donc celui qui tombe dans l'innovation, j'ai voulu évoquer cette règle que j'ai évoqué au début de l'assise d'aujourd'hui concernant Man la yubad di'ul mubtadi'a, fa huwa mubtadi'a, celui qui ne juge pas de celui ou celui qui ne juge pas que celui qui est innovateur comme étant innovateur est lui-même innovateur. Vous verrez par la suite dans les règles que je vais traiter concernant les gens du takfir, les gens de al-haddadiyya et autres, une règle qui est proche de celle-là qu'ils utilisent sans condition, c'est la suivante: man la yukaffiru al-kafir fa huwa kafir, celui qui ne rend pas, qui ne juge pas de la mécréance du mécréant est lui-même mécréant. Nous le verrons un peu plus en détail dans les cours suivants. Ici donc le cheikh nous dit, hafidahullahu ta'ala, que celui qui tombe dans une innovation est de plusieurs sortes. Il évoque ici trois sortes que je vais résumer. Il dit la première partie de ces gens qui tombent dans une innovation sont les gens de l'innovation eux-mêmes. Et Shir évoqua al-Rawafid, al-Khawarij, al-Jahmiyya, al-Qadariyya, al-Mu'tazila, al-Sufiyya, al-Quburiyya, al-Murji'a, et ceux qui se rapportent à eux comme al-Ikhwan, al-Tabligh et autres que eux. Et Shir de dire que ceux-là, as-Salaf radhiyallahu alayhim, n'ont pas conditionné le fait de leur exposer la preuve afin de leur appliquer la sentence, le jugement, qu'ils sont des gens de l'innovation. Comme cela, Ar-Rafidi, il sera dit de lui, Mubtadi'a. Comme cela, Al-Khariji, faisant partie d'Al-Khawarij, il sera dit de lui, Mubtadi'a. Et comme cela, que la preuve lui soit exposée ou non. Ceci concernant les gens de l'innovation. Quand il dit, Cheikh, les gens de l'innovation, il parle des gens qui sont à la base des gens de l'innovation. Ils ne sont pas connus comme étant des gens de la Sunna, de base. Deuxièmement, ou la deuxième sorte, celui qui fait partie des gens de la Sunna et qui tombe dans une innovation claire, comme par exemple la parole de dire donc Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire de la parole de Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire le fait de dire que le Qur'an est créé, ou l'innovation concernant al-Qadar, concernant la prédestination, donc les plusieurs sortes d'innovations concernant la prédestination, al-Qadar, puis Cheikh de dire, ou ceux qui voient la vie, ou ceux qui prennent la vie de Al-Khawarij, ou autre que cela. Il dit, celui-ci, nous le jugeons comme étant un innovateur, et comme cela ont œuvré As-Salaf, Ridwanallahi alayhim. Puis Cheikh de prendre comme preuve ce qui est rapporté de Ibn Umar, radiyallahu anhuma, lorsqu'il fut questionné à propos de l'Qadariyya, la secte de l'Qadariyya, où ce dernier dit à ces deux parmi les tabi'in qui sont venus le questionner à propos de l'Qadariyya, il leur dit, si vous les rencontrez, informez-les que je suis, donc moi, Ibn Umar, je me désavoue de eux et que eux sont désavoués de moi. Ce hadith est rapporté par les musulmans. Et c'est cette preuve concernant des gens qui ont dit une parole qui est une parole claire, qui est une parole connue comme étant une innovation. Et nous voyons que Cheikh a utilisé ici ce hadith en preuve, car Ibn Umar n'a pas conditionné le fait de partir les voir, de s'asseoir avec eux, de leur exposer la preuve. Ici, je le rappelle, nous sommes dans cette partie concernant les gens de la Sunna, quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un de la Sunna, mais qui tombe dans une innovation claire et connue. Celui-là, comme l'a dit Cheikh, il est jugé comme étant un innovateur, et ceci est le comportement qu'avaient les As-Salaf, radhiyallahu anhum, nos plus prédécesseurs. Puis, Cheikh rappela des paroles de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, où ce dernier explique le sens de ce qu'a rapporté Cheikh Rabi', hafidahullahu ta'ala. La troisième partie, ce sont les gens qui font partie des partisans de la Sunna et qui sont connus pour leur recherche de la vérité. Ces derniers, lorsqu'ils tombent dans une innovation qui est minutieuse, qui est cachée, celui-ci, s'il est déjà mort, eh bien il est interdit de le juger comme étant un innovateur. Plutôt, nous le rappelons en bien. Et si ce dernier est encore en vie, il doit être conseillé. Il doit lui être exposé la vérité, clairement, et nous ne devons pas nous précipiter à le juger comme étant un innovateur. Par contre, s'il ne revient pas, après l'avoir conseillé, lui avoir exposé des preuves, et bien à ce moment-là, il sera jugé comme étant innovateur. Et c'est à ce moment-là que Cheikh Rabi' Hafidhahullah évoqua la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que j'ai évoqué précédemment, le fait que beaucoup parmi les savants qui ont atteint ce degré d'effort d'interprétation parmi les pieux prédécesseurs, parmi les prédécesseurs comme ceux qui sont venus après eux, on dit ou fait ce qui est bid'a, ce qui est innovation. Et ces derniers n'ont pas su que cette chose était une innovation. Peut-être à cause de traditions, de narrations, de hadith faibles qu'ils ont pensé être authentiques. Peut-être à cause de leur compréhension de certains versets. Peut-être à cause de leur avis ou un avis qu'ils ont eu concernant un sujet dans lequel il y avait des textes qui ne leur sont pas parvenus. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, si un homme craint son Seigneur, craint Allah tabaraka wa ta'ala son Seigneur, comme il le peut, il rentre dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. Et dans le hadith authentique où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, j'ai certes fait, c'est-à-dire je n'ai certes pas châtié, ou j'ai certes exaucé cette invocation. Puis de dire que ce qui est en relation avec cela a une autre place, ou ceci est un autre sujet. Puis cher Rabi'a Hafidhahullah, de terminer cette parole, qui est une parole très importante et un exposé très clair qu'il nous fit ici, à travers cette fatwa, Hafidhahullah Ta'ala wa matta'a bihi, il dit ici que, dans tous les cas, il n'est pas autorisé de donner sans condition et de manière absolue cette parole, c'est-à-dire le fait de dire qu'il est obligatoire d'exposer la preuve à une personne avant de le rendre innovateur ou de juger comme innovateur, comme cela il est interdit de dire qu'il n'est pas obligatoire de faire cela. Le fait de donner cette parole inconditionnellement, ceci n'est pas autorisé. Puis Cheikh termina sa fatwa en donnant un conseil pour les étudiants en sciences, le fait qu'ils s'accrochent, ils se cramponnent au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils suivent et qu'ils prennent des règles de la voie de As-Salaf, nos plus prédécesseurs, dans tout ce qui concerne leur religion, toutes les facettes de leur religion, et en particulier concernant le chapitre du takfir, c'est-à-dire le fait de rendre quelqu'un, de juger quelqu'un comme étant un mécréant, comme cela at-tafsir, le fait de juger quelqu'un comme étant un fasiq, c'est-à-dire un pervers, ou at-tabdi', c'est-à-dire de juger quelqu'un comme étant un innovateur. Ceci afin de ne pas rentrer dans la controverse concernant et les débats concernant ces affaires. Nous terminerons ici le cours d'aujourd'hui et le prochain cours portera sur des règles fausses et innovées rapportées par ces gens que l'on qualifie de haddadiyya. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.